بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فaujourd'hui le 25 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1443 après l'hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la deuxième révision comme à notre habitude des cours précédents porté sur le livre de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala al-usul sitta. Le Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah est mort en quelle année? 1206 de la hijra de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu étudies un livre, il y a trois choses qui sont très importantes de connaître ou de savoir au moment où tu viens t'asseoir pour un cours de science. La première chose, il faut que tu saches, que tu aies la certitude que la personne qui donne le cours est quelqu'un qui est sur la sunna, sur la voie de nos pieux prédécesseurs, as-salafu salih, radhiyallahu alayhim. Tu ne viens pas t'asseoir à un cours de science sans savoir qui est cette personne. Tu dois être sûr de cela, que cette personne qui donne le cours est quelqu'un qui suit la sunna, qui est sur ce manhaj, le manhaj de nos pieux prédécesseurs, as-salafu salih. La deuxième chose, que le livre qui est étudié est un livre qui est un livre d'un savant, des gens de la sunna. Tu regardes la personne qui donne le cours. La deuxième chose, le cours, sur quoi porte-t-il? Quel est ce livre qui est enseigné? Que c'est bien un livre qui est sur la sunna, que l'auteur est un auteur qui fait partie des gens de la sunna, un auteur salafi. Salafi, pas salafi comme certains le prétendent, comme étant un groupe ou une secte. Et salafi, c'est celui qui suit la voie des salafus salih, de nos pieux prédécesseurs. Comme tu dirais, jazairi. Jazairi, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de ce pays, al-Jazair. Comme tu dirais, Hanbali, qui s'apparente au madhhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Tu dis salafi, pas comme étant une secte, les salafis d'un côté, le reste des musulmans de l'autre. Non, as-salafiyya, ce manhaj, c'est le manhaj des musulmans. Car le musulman prend sa religion du livre d'Allah, de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Qui sont les pieux prédécesseurs salafus salih? Qui sont-ils? Fadal. Les trois premières générations. Les trois premières générations. As-sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc lorsqu'on dit salafi, ce n'est pas un groupe, une faction, comme certains l'ont prétendu, par exemple, Hizbun Nur, as-salafi, comme ils se prétendent. Et comme je l'ai dit au cours précédent, pourquoi je parle de l'Ahzab ici, puisque c'était le sujet du cours précédent, si vous vous rappelez, le groupe, le Hizb al-Nur al-Salafi, comme je l'ai dit dans le cours précédent, les appellations ne changent pas la réalité de la chose. Une personne qui s'appelle Salafi, si cette personne n'est pas sur ce manhaj, cette voie, la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceci n'est qu'une prétention. Et sans aucun doute le fait de créer des groupes, des ahzab, des factions, ceci n'a rien à voir avec la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit dans son livre, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous, cramponnez-vous au câble d'Allah ensemble et ne vous divisez pas. Et le habl d'Allah, le câble d'Allah, a été expliqué par nos pieux prédécesseurs, parmi les compagnons et ceux qu'ils ont suivis dans le bien, de différentes manières. Et certains, parmi les sahaba, ont dit, comme Abdallah ibn Mas'ud, dans l'un de ses tafsirs, a dit « Al-Jama'a ». Accrochez-vous, Al-Jama'a, au groupe. Al-Jama'a, pas Al-Jama'at, comme on a dit, les groupes. Al-Jama'a. Et dans l'ensemble des versets et des hadiths où ceci est évoqué, tu ne trouveras jamais l'évocation de Al-Jama'at, les groupes. Plutôt un seul groupe. Pas l'Ahzab, les factions. Une seule faction, quel est ce hizb? Quel est le seul hizb qui est estimé et auquel on doit appartenir, auquel on doit s'apparenter? Hizbullah. Hizbullah. Le hizb al-shar'i. Pas Hizbullah qui se trouve là-bas, au Liban, en Palestine et autres. On ne parle pas de ce Hizbullah que certains parmi les savants ont appelé Hizbullah, qui est un Hizb, qui est une faction, un Hizb politique qui se prétend de l'islam et combattre au nom de l'islam, alors que l'islam en est ce désavoue de ce Hizb-là, qui n'a rien à voir avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hizbullah, comme dans le verset, la faction d'Allah, qui est la seule faction légiférée. Donc quand on dit salafi, on ne parle pas d'une faction, on ne parle pas d'un groupe, on parle de l'islam, les musulmans, qui, selon ce qu'était le prophète, selon ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, le livre d'Allah, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ridwanallahi alayhim. Donc, pour revenir, lorsque tu étudies, lorsque tu viens assister à un cours, tu dois être sûr que la personne qui donne le cours est quelqu'un qui est sur la sunna, qui est salafi, véritablement. Tu dois être sûr que le livre qu'il enseigne est un livre salafi, c'est-à-dire un livre qui est sur la sunna et l'auteur était sur la sunna. Comme ici, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi, rahimahullah. Et la troisième chose, que sa voie, que sa méthode dans l'enseignement, sa tariqa, est une tariqa salafiyya, est une voie, une méthode d'enseignement selon la voie de nos pieux prédécesseurs. Ce livre qu'on étudiait, l'Usul Sitta, on a dit qu'il réunissait dans ce dernier six fondements. Le premier qu'on a étudié, quel est ce fondement? Le premier des six fondements. Tfaddal. Al-ikhlas. Al-ikhlas lillahi wahda, c'est-à-dire la sincérité. C'est-à-dire, pour résumer, al-tawhid. Le premier des fondements, al-tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'adorer seul et sans associé. Simplement. Non. Tfaddal. Ahsantum. Et éviter son contraire. C'est-à-dire qu'il exposa le sens de l'ikhlas, al-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et qu'il exposa aussi, rahimahullah, son contraire qui est al-shirk. Car ceci est la voie de l'ensemble des prophètes et messagers. Ils appelaient à Allah, tabaraka wa ta'ala, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et ils mettaient en garde contre le faux. Ils mettaient en garde contre l'association et le faux. C'est pour ça que celui qui appelle à l'islam ne doit pas se contenter d'appeler au bien, mais il lui est obligatoire, afin que son appel soit construit sur l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, de ceux qui les ont suivis dans le bien, ainsi que tous les prophètes et messagers avant lui, qu'il appelle au bien et qu'il mette en garde contre le faux. Ceci n'a rien à voir avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire j'appelle au bien et je ne parle pas des mauvaises croyances, je ne parle pas des mauvais groupes, des groupes égarés, je ne parle pas de l'innovation, je donne simplement, j'éclaircis simplement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne parle pas des innovations et des erreurs. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les prophètes et messagers avant lui, ont été envoyés pour al-da'watu ila al-tawhid wa islahu al-aqa'id, appeler au tawhid et réformer les croyances. Le deuxième de ses fondements, celui du cours de la semaine dernière. Omar, tfaddal. Ahsant. Al-ijtima' wa an-nahyu 'an at-tafarruq. C'est-à-dire en français, de se rassembler en religion et l'interdiction de se diviser. Et on a expliqué ce que voulait dire se rassembler et se cramponner au câble d'Allah. Le câble d'Allah qui est la ilaha illallah, qui est l'islam, qui est le groupe des musulmans, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'interdiction de se diviser en religion, se diviser en quoi? En secte, en groupe. Chaque groupe exultant de ce qu'il a. Et le troisième de ces fondements, celui qu'on va commencer aujourd'hui, qui est écouter et obéir au gouverneur des musulmans. Et l'interdiction de se révolter et de sortir contre lui, qui fait partie des fondements des gens de la sunna. Comme je l'ai dit, le premier de ces fondements était une réfutation soufia et tous les gens en général qui sont tombés dans l'association. Et j'avais expliqué dans le premier cours quelle est l'association de soufia, quelles sont ces associations dans lesquelles ils sont tombés, quelle est leur voie, quelle est leur croyance concernant l'unicité dans l'adoration. Le deuxième, donc, était une réfutation, le deuxième de ses fondements, une réfutation à la secte des frères musulmans. Bien sûr, je ne dis pas, ici, Cheikhoul Islam est mort avant que la secte des frères musulmans voie le jour. Mais ici, dans notre explication, nous nous attelons à mettre en évidence que ce fondement est une réfutation à ce sur quoi a fondé sa secte Hassan al-Banna et ce sur quoi est ou sont les frères musulmans. De même que tous ceux qui ont divisé leur religion en sectes et en groupes, avant les frères musulmans et après eux. Et le troisième, c'est une réfutation à qui ? Al-Khawarij. Ahsant. Al-Khawarij. Ceux qui voient la révolte contre les gouverneurs, ceux qui voient de sortir, l'autorisation de sortir contre les gouverneurs musulmans, ceux qui voient le takfir, c'est-à-dire l'excommunion, si on peut l'employer dans notre religion ici, c'est-à-dire le fait de rendre non-croyant, de juger de non-croyance d'un musulman. Al-Khawarij. Et faites attention, ces derniers sont nombreux. Même si eux ne s'appellent pas Khawarij, ceci est une appellation que les gens de la Sunna leur donnent. Khawarij. Mais eux, ils ne s'appellent pas comme ça, ils ne viendront pas à toi en te disant « Moi je suis un Khawariji ». C'est ce que nous allons voir ici. On va terminer ici avec les questions. Barakallahu fikoum. Quelle est cette chose qui rassemble l'ensemble des gens de l'innovation ? Une caractéristique qui les rassemble tous, comme on l'a vu la semaine dernière. Tfaddal. Omar. Ahsant. L'ensemble des gens de l'innovation, Ahlul Bida', se réunissent sur ce principe. Le fait qu'ils sont d'accord de se révolter contre le gouverneur. Comme l'a dit Abu Qilaba, qui fait partie des imams de Salaf, radouanallahi alayhim, il disait « Ahlul Bida'i, ikhtalafu filism, wajotama'u ala saif. » Les gens de l'innovation sont différents dans leur appellation, mais ils se sont réunis autour de l'épée. C'est-à-dire le fait de sortir, de se révolter, l'autorisation de se révolter contre le gouverneur. J'avais évoqué la semaine dernière deux causes qui ont été évoquées par Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah. Deux causes de cette scission ou de cette fragmentation du groupe des musulmans. Fadal Hassan. Tasawwuf. Ahsant. Ilm al-kalam wa tasawwuf. Donc c'est-à-dire la scolastique ou c'est-à-dire les fondements où lorsque cette école, l'école de ilm al-kalam, de la scolastique a été fondée, de même que at-tasawwuf, as-soufia, comme je l'ai dit. Ces deux choses, donc, sont les deux causes. Comme l'a dit Cheikh Mohamed Aman al-Jami, la communauté ne s'est pas fractionnée avant que ces sectes-là voient le jour. Al-mutasawwifa, ceux qui pratiquent al-tasawwuf, et ceux qui pratiquent ilm al-kalam, que j'ai traduit par la scolastique. Ici, deux points. Al-mutasawwifa, comme je l'ai dit, et je le reprécise, ceux qui sont voulus, ce sont ceux à propos de qui j'ai exposé leurs croyances dans le cours numéro 2 de notre série de cours. Et non, ceux qui sont appelés parmi nos pieux prédécesseurs, ceux qui ont du tasawwuf. Car cette parole, donc soufia ou tasawwuf, cette manière de pratiquer une chose qui s'appelle tasawwuf, lorsqu'on peut le lire dans les paroles de salaf et de certains parmi salaf qui ont justement cette chose-là, qui ont du tasawwuf, ce qui est voulu ici, c'est de l'ascétisme, le fait de délaisser les biens de la vie d'ici-bas, de revenir à l'adoration et de se focaliser sur l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tout en se détachant des biens mondains. On peut trouver ces paroles-là chez certains parmi les salaf, tout en ayant ces gens qui étaient caractérisés par cette chose, dans la parole de certains parmi les salaf, comme étant des gens qui avaient cette chose qui était le soufisme, comme on pourrait le traduire en français, tout en ayant une croyance qui est la croyance des gens de la sunna, comme par exemple El Junaïd, ou Sahel ibn Abdillah, El Tustari et autres que eux. Ce sont deux choses, ou El Hassan El Basri, qui est connu comme étant un grand ascète, mais c'était quelqu'un qui avait la croyance des gens de la sunna. Lorsqu'on parle de tasawwuf et que cette chose, lorsqu'elle est arrivée dans la communauté, a fractionné la communauté, on parle de ce tasawwuf à propos duquel j'ai parlé, j'ai exposé leur croyance dans le cours numéro 2 de notre série. La deuxième chose, ilmul kalam, la scolastique. Ça, c'est quelque chose qui est très important. J'ai traduit ce terme ilmul kalam par la scolastique, car c'est le terme qui m'a apparu comme étant le plus proche de le terme en français, la scolastique, qui définit le mieux ilmul kalam, ou par lequel je pourrais traduire le mieux ce terme-là, ilmul kalam. Ilmul kalam, la scolastique, qu'est-ce que cette dernière ? C'est quelque chose d'important de bien connaître cette chose-là, de bien connaître ce qu'est être tasawwuf, puisqu'on est passé dessus et on reviendra dessus souvent. Et la scolastique, ilmul kalam, car ils sont nombreux. Les gens qui pratiquent ilmul kalam, al-mutakallimoun, sont très nombreux. Parmi eux, qui parmi eux ? Les gens qu'on appelle al-mutakallimoun, faddal. Al-mu'tazila, wal-asha'ira, wal-maturidiyya et autres. Al-asha'ira, vous entendez beaucoup un tel sur la aqida, sur cette aqida, aqidat al-asha'ira. Ces gens-là sont des gens qui pratiquent ilm al-kalam. Ils sont mutakallimoun, ils ne sont pas sur les fondements sur lesquels sont les gens de la sunna. Et si tu demandes, une petite parenthèse, à beaucoup de gens, parmi les gens de la masse, qui peut-être viennent d'un pays où beaucoup des savants dans ce pays-là se revendiquent de cette croyance, al-asha'ariyya. Si tu lui demandes, détaille-moi ce qu'est cette croyance, les fondements de l'Ash'ariya, il ne saura pas. Il ne saura pas. Il ne sait pas ce qu'est l'Ash'ariya, parce que beaucoup de gens dans ces pays sont sur une saine nature. Sont sur une saine nature, mais ils ont été, ou cette saine nature a été pervertie par ces savants, qui sont des savants qui suivent cette voie, la voie de l'Ash'ariya, ou le fait que ces gens-là ne connaissent pas en fait qu'est-ce que cette voie, la voie de l'Ash'ariya, ils ne savent pas ce que c'est. Si tu leur demandes sur certains points sur quoi sont l'Ash'ariya, détaille-moi la croyance de l'Ash'ariya, il ne saura pas te dire. Comme on l'a dit, le fait d'apprendre sa religion et de savoir le bien et le faux. Comme le poète disait, comme je l'ai cité, عرفت الشر لا لشر لكن لتوقيه من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. J'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Celui qui ne connaît pas la différence entre le bien et le mal tombe dans ce dernier. Si tu ne sais pas ce que le mal, comment pourras-tu te préserver ? Là, on parle de l'Khawarij, comme je l'ai dit. Quelqu'un ne viendra pas te dire à toi en te disant « Moi, je suis un Khawariji, moi, je suis un Takfiri. » Mais si tu ne connais pas ta religion, la première des choses, et tu ne sais pas qu'il y a des gens qui suivent ces manahij, ces groupes et ces voies égarées, tu ne pourras pas t'en préserver. Donc les gens de la scolastique, donc ilmul kalam, qu'est-ce que ilmul kalam ? Tafaddal Hassan. Affirmer les croyances religieuses par la raison. Ahsant. Ilmul kalam, c'est la science qui tente à affirmer les croyances religieuses par la raison. Ithbatul aqaid ad-diniya an tariq al-aql. Affirmer les croyances religieuses par la raison. Comment est-ce que le croyant affirme les croyances religieuses ? Les textes, Ahsant, par les textes. Le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Pas par la raison. Et c'est ça que pratique Al-Mutakallimoun. Ils affirment les croyances religieuses par la raison. Et juste un petit point avant de terminer. Parfois, on trouve la traduction de Al-Mutakallimoun par les philosophes. Sans aucun doute, ce n'est pas une bonne traduction. Puisque les philosophes, c'est quelque chose qui regroupe un grand nombre de gens. Il y a parmi eux des croyants, ou des personnes qui s'apparentent, en tout cas qui sont tombées dans la philosophie, qui sont croyants, et d'autres qui ne sont pas croyants. Il y en a certains parmi eux qui sont athées, il y en a certains parmi eux qui ont des croyances différentes. Alors que les gens de l'Kalam, de la scolastique, lorsqu'on dit que les gens de Ahlul Kalam ou Al-Mutakallimoun sont ceux qui pratiquent la scolastique, on parle bien des gens qui s'apparentent à l'islam, pour l'ensemble d'entre eux. Certains, peut-être, sont sortis de l'islam, et certains, ou en tout cas, ce sont des gens qui s'apparentent à l'islam. Al-Ash'a'ira, Al-Maturidiyya, etc. Ce sont des musulmans, mais ils pratiquent la scolastique. Alors que lorsque tu dis les philosophes, ceci n'est pas exact. Ceci n'est pas exact. Puisque Ilmul Kalam, c'est bien le fait d'affirmer les croyances religieuses par la raison, ce que pratiquent ces gens-là. Alors que les philosophes cherchent par la raison et par d'autres moyens à nier même les croyances religieuses. Certains d'entre eux, ceux qui ne sont pas croyants par exemple. Voilà, donc faites bien la différence entre ces deux choses-là.